vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard nous arrivera avec une toute nouvelle chronique d'actualité et de politique et Tania Baudin nous divertira comme elle le fait si bien dans Tania et Scott and Titania. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 11 janvier 2016, 106 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va bien, ça va bien. Il fait froid ce matin, mais... Oh, c'est frisquet. Mais que voulez-vous, on est capable de chanter même s'il fait froid. Ben oui, on a entendu ça. On accueille encore une fois 2016 avec une autre de nos nouveautés épiques, notre chanson thème avec les paroles de Valès Perrietère, chantée par Tania et moi sur une musique de Ludwig Göransson. Soyez à l'écoute tout le long du mois de janvier pour plusieurs autres nouveautés épiques dans le mois de janvier pic. Voilà, c'est le début de l'émission qui commence comme ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, Tania, on a une nouvelle chronique. Ah oui? Oh oui, c'est Samuel Girard que vous connaissez pour son émission Génie en Liberté. Vous le connaissez aussi du Mathieu Plante Show. Et un peu comme toi qui veut participer à toutes mes émissions parce que je suis ton idole, faut croire. Ben oui. Samuel Girard s'en vient à 8h30 pour une nouvelle chronique. J'ai hâte de savoir le nom de sa chronique. Ouais, comme moi défi, aussi. J'ai de trouver un nom d'ici aujourd'hui à 8h30. Ça va être difficile. On devrait avoir une chronique du Club plein air et QTR le lundi aux deux semaines, mais cette fois-ci, on saute un tour. On va aller dans deux semaines pour quelqu'un de nouveau. C'est Evelyne qui va prendre la place de Catherine pour le reste de la session. Catherine qui est en stage du Club plein air UQTR. Donc, on va faire tout un fait à la place de sa chronique à 9h. Ta chronique s'en vient. Tania, qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique? Bien, je vais t'avouer que ce dont j'étais censée parler ce matin ne va pas être le sujet de ma chronique. Ça a changé. Parce que, oui, ça a changé un petit peu à la dernière minute parce que je me suis dit, pourquoi pas approfondir les sources que j'ai puis toutes les informations parce que c'était par rapport à un documentaire que j'ai regardé hier. Oui. Donc, je vais en parler demain, génial, en fait. Puis, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu découvrir peut-être quelques sites internet, des nouveaux artistes, quelque chose que vous allez apprécier, je pense. OK, cool. Ben, on va faire ça tout à l'heure à 8h. Et on va débuter avec son foutu palmarès dans quelques moments. Mais avant ça, on s'en va vers la Lune. Peut-être rejoindre, je sais pas, Ziggy Stardust. Voici Return to the Moon par Elvi. 89.5. A ticket with a leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. I bought a saltwater fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. for California. If you gotta go somewhere, then you better go somewhere far. Did you really think I could ever go on without you? I'm not a genius. I imagine myself being cool in the backseat of your car. Return. Assemblage requis. Ça fait du bien, il fait soleil et plus de bonheur. Oui, ben c'est ça, on est en train de se dire, mon Dieu, il fait soleil déjà. Oui, ben c'est le fun pour la première chronique, ça nous met dedans. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on a deux listes quand même assez précises. C'est un top 25 de 25 choses qui ont 25 ans en 2016 et un top 30 de 30 choses qui ont 30 ans en 2016. On va pas toutes les faire nécessairement, on va peut-être y aller en rafale sur quelques-uns. Donc, commençons par 25 choses qui vont avoir 25 ans en 2016. Il y en a pas mal, les trucs, peut-être vous, votre quart d'année pour se célébrer. Le World Wide Web. Le 6 août, Tim Berners-Lee a présenté pour la première fois le World Wide Web. Il a créé le web sur un ordinateur de la compagnie Next au CERN en Suisse en 1990. Et il a révélé la première page web au public en 91. Et on peut même fureter cette première page web et vivre la super simplicité du premier jour du web en allant sur assemblagerequis.com. Ensuite, c'est simple, la chanson de Nirvana Smells Like Teen Spirit a 25 ans cette année aussi. L'alternatif et le grunge étaient très populaires en 91 et c'est le 24 septembre que Nirvana sortait l'album Nevermind. Les Red Hot Chili Peppers sortaient Blood Sugar Sex Magik et A Tribe Called Quest sortait The Low End Theory. Donc quand même assez gros comme année. Sinon en 91 aussi la sortie de Use Your Illusion 1 et Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses. Dangerous de Michael Jackson, 10 de Pearl Jam, l'album homonyme de Metallica qu'on appelle souvent The Black Album, Out of Time de R.E.M. avec le hit Losing My Religion, Gish de Smashing Pumpkins, Achtung Baby de U2 et le premier festival Lollapalooza, c'était en donc 91. Ensuite, la fin de l'URSS et de la guerre froide. Ça, c'était aussi en 1991. Je vais y aller avec la sortie de Linux aussi. OK. Donc, le système d'exploitation alternatif à Windows et à Mac OS. Ensuite, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Les Wiggles ont 25 ans. La Super Nintendo Entertainment System. Le 23 août, Nintendo sortait sa console 16 bits en Amérique du Nord. Elle était déjà en vente au Japon depuis novembre 90 sous le nom de Super Famicom. Les Américains pouvaient acheter leur ensemble avec Super Mario World, un petit peu comme la NES venait avec Super Mario Brothers et Duck Hunt. Malgré la compétition de d'autres consoles 16 bits, la Super Nintendo a été un grand succès qui est resté populaire même pendant l'ère 32 bits. Juste 25 ans par contre. Ouais. Je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça. Oh no. Ensuite, la première photo d'un astéroïde, c'était aussi en 91. Ah, ben oui. L'arrivée de Comedy Central aux États-Unis, la chaîne qui nous à laquelle on doit, entre autres, South Park, le Daily Show, Mystery Science Theater 3000. Donc, The Comedy Channel qui a été lancé au poisson d'avril en 91 à être renommée Comedy Central plus tard en fusionnant deux chaînes existantes, The Comedy Channel et Ha! H-A point d'exclamation, qui compétitionnaient avant ça dans le dans l'espace câblé des États-Unis. Voilà. Ensuite, c'est la naissance de Shailene Woodley. Et de quelques autres aussi. Oui, qu'on connaît pour The Fault in Our Stars. Puis plein d'autres aussi, comme Emma Roberts, Jimmy Lynn Spears, ton préféré Ed Sheeran. Oui. Et plein d'autres. C'était le début du Ren and Stimpy Show, aussi en 91, sur Nickelodeon, bizarre psychédélique par John Crickfalusi. Ensuite, le Jerry Springer Show a commencé en 91. Oui, oui. Évidemment, tout ce qui a été copié par d'autres, comme le Jenny Jones Show, le Montel Williams Show, il y en avait plein, plein d'autres qui ressemblaient énormément à ce que Jerry Springer faisait. American Psycho a commencé en 91 aussi. Le Cybercafé est arrivé en 91. En juillet, le premier Cybercafé a ouvert à San Francisco. Vous pouvez voir une petite capsule vidéo sur ce que c'est un cybercafé pour ceux qui ne s'en rappellent pas en 96 sur assemblagerequis.com. Donc Wayne Gregory avait installé le SFNet Coffee House Network, un réseau d'ordinateurs opéré par des pièces de monnaie à San Francisco. On pouvait accéder à des chats, des forums, des jeux et FidoNet, qui était un réseau BBS, donc bulletin bulletin board, c'est comme un genre de forum qui s'appelait FidoNet. Le PowerBook d'Apple a commencé aussi en 91, en octobre. En fait, c'était le premier ordinateur Mac style laptop. Les précédents portables qui s'appelaient Macintosh Portable étaient vraiment gigantesques. Là, c'était le premier qu'on pouvait vraiment transporter. Le PowerBook 100 n'était pas super puissant à l'époque, avec un écran de 640 par 400 pixels en noir et blanc. Un disque dur intégré, un lecteur de disquette, ça pesait au-dessus de 5 livres, comparé au Macintosh Portable qui, lui, pesait 16 livres. Le laptop était donc un succès malgré son prix de 2500$. Vous pouvez voir une petite capsule encore une fois qui vous montre de quoi ça avait l'air sur assemblagerequis.com. C'est le top 25 en passant des choses qui ont 25 ans en 2016. Allons-y avec le patch de nicotine prescription seulement. Oui. Donc la Food and Drug Administration a approuvé le patch de nicotine pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. L'idée était d'appliquer un patch sur la peau, ça allait livrer une faible dose de nicotine et ça allait réduire donc les envies de fumer de vraies cigarettes et d'autres produits du tabac. Le patch était disponible par prescription seulement, mais en 96 c'est devenu un produit disponible en demandant au comptoir de la pharmacie. Vous pouvez voir un petit article du New York Times sur assemblagerequis.com. Côté cinéma, Terminator 2, Judgment Day. En 91, Point Break, Fisher King, Thelma et Louise, Jungle Fever, Star Trek 6, Boys in the Hood, La Belle et la Bête, Robin Hood, Robin des Bois, La Silence des Agneaux et un paquet d'autres. Il y a beaucoup de musique qu'ils ont séparées en catégories. Ici, c'est la création de band. Donc, le Dave Matthews Band a commencé en 91. Belly, Blalong Gang, Bone Thugs and Harmony, Cake, Chemical Brothers, Counting Crows, Incubus, Oasis, Portishead, Rage Against the Machine, Rancid Sloan et plein d'autres. Côté jeux vidéo, Blizzard, sous le nom de Silicon et Synapse, Bungie, Epic Games et id Software ont commencé en 91. C'est un paquet de compagnies connues pour leurs franchises comme Warcraft, Diablo, Starcraft. Bungie qui a créé Halo, co-développé Destiny, id Software a fait Wolfenstein 3D, Doom et Quake, alors qu'Epic Games a fait Unreal. Ouais. Wow. Quand même. Côté fast-food, McDonald's lançait le McLean Deluxe aux États-Unis le 22 janvier 1991. Pour réduire le contenu en gras, le hamburger contenait un mélange spécial d'extraits d'algues, voilà, et d'eau. Oui. Okay. Le burger était certainement plus santé, mais ça n'a pas été un succès du tout avec la clientèle. On disait que c'était un petit peu trop sec, ça a duré quelques années, c'est parti, sans qu'on s'en rende compte. Sinon, c'est pas mal ça pour les 25 ans en 2016. Allons-y avec rapidement le top 30 des 30 choses qui vont avoir 30 ans en 2016. Ben oui. On les fera pas toutes les 30, mais pour commencer, Mary-Kate et Ashley Olsen. Ah, pour vrai? Les jumelles Olsen, en effet, qu'on connaît pour les jumelles sans mêle, entre autres, la fête à la maison et un paquet d'autres. Nées le 13 juin 86, elles ont commencé à la télé dans Full House alors qu'elles avaient que 9 ans. Et elles ont continué à jouer ensemble jusqu'au milieu des années 2000. Elles sont maintenant designers de mode. Il y a seulement Mary-Kate qui joue encore. Ashley ne joue plus. Vous savez qu'ils ont une sœur, eux, en plus, hein? Oui. Elizabeth Olsen. Qui est, bonne. Franchement, je crois, 1000 fois meilleure actrice qu'eux. Oh, et... ben, quand? Ben là, faut se le dire, là. Et non. Aussi beaucoup plus jolie. Non, hey, là, ça, c'est une question de... C'est super subjectif, tu dis. T'es en train de détruire la réputation. Mais non, mais il y a tellement beaucoup de monde qui le disent, sauf qu'elle a tellement été laissée sous silence à cause que c'était pas une des jumelles. Ouais. Qu'à un moment donné, tout le monde a fait comme « Ah, attends, les jumelles ont une sœur. » Oui, c'est ça. Ils s'en sont rendus compte récemment, mais elle le joue dans plein de choses. Comme... Oui, vraiment. Le Oprah Winfrey Show a 30 ans aussi. Ça a débuté sous le nom de AM Chicago en 83. C'était une émission locale. Et puis finalement, ça a fini par être lancé partout au pays. D'autres lancements à la télé en 86. Alf, l'extraterrestre marionnette bizarre. Ah, OK. Matlock, pour les personnes plus âgées. Et L.A. Law, la loi de Los Angeles. Hmm. Le désastre de Challenger, la fusée un matin du 28 janvier 1986, le Space Shuttle Challenger s'est défait 73 secondes après le démarrage, ça a tué les 7 astronautes à bord. Triste événement. Pixar Animation Studios a 30 ans et Luxo Junior, la petite lampe qu'on voit dans les introductions de Pixar. Pixar s'est formé à la fin des années 70, une division de Lucasfilm qui travaillait sur des effets spéciaux générés par ordinateur pour le cinéma. À cette époque-là, ça s'appelait Computer Graphics Division. En 86, Pixar a fait un spin-off de cette compagnie-là et Steve Jobs est devenu un des actionnaires majoritaires. Le studio n'avait seulement que 44 employés à l'époque. Ils ont sorti Luxo Jr., un petit court-métrage animé mettant en vedette une lampe. C'est ce que ça, dans le fond, ça a donné la mascotte à Pixar plus tard. Ça a été nominé pour meilleur court-métrage aux Oscars. Côté anniversaire, Lady Gaga, Usain Bolt, Lindsay Lohan et Drake, entre autres. Ça, c'était en 86. La vedette de Game of Thrones aussi, Kit Harington, ainsi que Emilia Clarke, qui est née cette année-là. Megan Fox, Shia LaBeouf, Robert Pattinson, Lena Dunham, Lea Michele et un paquet d'autres. Green Day est né en... On était rendu en quelle année, ça? Il y a 30 ans. Attends un peu. Il y a 30 ans, c'était... Tantôt, je l'avais retenu, mais ça, c'était en 86, voilà. Green Day, pour vrai? 86. Oui, sous le nom de Sweet Children. Ils avaient 14 ans. Billy Joe Armstrong et Mike Dirnt qui ont formé le band de punk Sweet Children, qui allait devenir Green Day plus tard. Ils n'ont pas performé en une gig avant 1987, mais le groupe s'est formé en 86. Il y a une vidéo sur assemblagerocky.com filmée en 90. Ah ben moi je... D'autres bandes formées la même année, Alice in Chains, Cypress Hill, Goo Goo Dolls et plein d'autres. Ferris Bueller's Day Off, le film, le 11 juin 86, le public américain, oui, a reçu ce classique instantané, Ferris Bueller joué par Matthew Broderick qui a pris son célèbre jour de congé. Ensuite, ça, c'était quand même drôle, OK, j'allais pas le faire, mais Geraldo Rivera, aux États-Unis, qui a ouvert la tombe, la voûte d'Al Capone à la télé en direct. Hein? Oui, mais oui. Non. Le 21 avril 86, il a trouvé absolument rien sauf des déchets. C'était en direct à la télé, c'était super déprimant, genre on a perdu tout ce temps-là. Wow. Mais c'était bien drôle. Vous pouvez regarder l'émission au complet sur Geraldo.com, et comme je disais, il se passe pas grand-chose. le désastre de Tchernobyl. Aussi lieu en 86, oui. Le 26 avril, en Ukraine. Un accident de niveau 7, c'était l'événement avec la plus haute magnitude qui a été enregistrée jusqu'à ce moment-là. Ça a amené à des douzaines de morts et ça a créé une zone d'exclusion autour de l'usine à cause de la radioactivité. Il y a un sarcophage géant en décembre 86 contenant le réacteur. C'est ça, donc oui, on a construit un gros sarcophage pour entourer ça. Voilà. The Legend of Zelda sortait sur la NES en 86 aussi. C'est sorti en 85 en Amérique du Nord. C'est devenu un succès. Et ensuite... Non, la console Nintendo Entertainment System est sortie en 85. Ensuite, le 21 février 86, Nintendo sortait son jeu d'action-aventure Legend of Zelda. D'autres jeux sortis en 86, Castlevania, Double Dribble, Ikari Warriors, Kid Icarus, Metroid et Super Mario Bros. The Lost Levels, qui était le Mario Bros. 2 du Japon. Le vidéoclip True Blue de Madonna est sorti le 30 juin 86. C'est pas le vidéoclip, pardon, l'album. Voilà, avec entre autres Papa Don't Preach et d'autres. Slippery When Wet de Bon Jovi sortait aussi. Le microprocesseur 386 d'Intel sortait en juin 86. Le 8386, connu sous le nom aussi de 386. Office Depot, qu'on appelle ici Bureau en gros. Oui, hein? Genre ben d'équivalent. Oui. C'est fondé en Floride en 86, le premier magasin situé à Fort Lauderdale en Floride. En 88, la compagnie s'inscrivait au Nasdaq avec 26 magasins dans 7 États américains. Aujourd'hui, Office Depot et Office Max ont fusionné. Leur compétiteur Staples, c'est eux qu'on appelle Bureau en gros. Là, le logo se ressemble trop, mais Staples, c'est Bureau en gros. Ah, OK. Voilà, ils essaient d'acheter Office Depot. D'autres compagnies fondées en 86, Ubisoft, ceux qui ont fait Assassin's Creed et Splinter Cell, et Bethesda Softworks, qui ont créé The Elder Scrolls et un paquet d'autres jeux. Le réseau de télévision Fox Broadcasting Company a aussi 30 ans. Le 9 octobre 86, voulait compétitionner avec les grands diffuseurs, le trio de ABC, CBS et NBC. La première émission diffusée, ça va peut-être vous surprendre, c'était le Late Show. On connaît le Late Show pour David Letterman, pour en ce moment Stephen Colbert, mais à l'époque, il y avait aussi une émission qui s'appelait The Late Show, animée par Joan Rivers. C'est qui est décédé il y a quelques années de ça. Un an plus tard, Fox a commencé à diffuser des émissions en prime time, entre autres Marié deux enfants, The Tracy Ullman Show qui nous a fait découvrir les Simpsons, 21 Jump Street avec Johnny Depp, oui. Et son plus grand succès The Simpsons qui n'est pas arrivé avant décembre 89. Ensuite, Batman The Dark Knight Returns, oui. Créé par Frank Miller, qui c'est une mini-série de bande dessinée en 4 numéros entre février et juin 86. Ensuite, j'en saute quelques-uns. Le groupe The Might Be Giants, leur premier album homonyme est sorti le 4 novembre 86. J'adore The Might Be Giants. On appelle souvent The Pink Album leur premier album parce qu'il était homonyme. Deux singles, entre autres Don't Let's Start et She Was a Hotel Detective, sont des classiques de TMBG. Et aussi Don't Let's Start, un paquet d'autres chansons qu'on connaît bien. Ensuite, le film Stand By Me. Oui. Des années 80, donc à 30 ans cette année, avec entre autres Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss et John Cusack, basé sur une courte histoire, une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Body. Ensuite, It de Stephen King est sorti il y a 30 ans aussi, en septembre. Une génération de gens qui ont eu peur à cause de It. C'est adapté en 1990 en mini-série à la télé avec Tim Curry dans le rôle de Pennywise. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ah tiens, justement, drôle de hasard total, j'ai trouvé cet article-là bien avant aujourd'hui, mais un film avec David Bowie. Oui, ben oui, parce que là, il faudrait comme le mentionner. Ouais, faut le dire quand même, même si toutes les stations de radio commerciales vont en parler aujourd'hui, donc on vous sauve ça. Oui, mais c'est même pas une question d'être une radio commerciale ou non, là. C'est une légende qui s'éteint, je pense que tout le monde se doit d'au moins le mentionner. Mais pour nous, c'est assez de juste dire ça, sauf que le film Labyrinthe est sorti en 86, avec Jennifer Connelly, entre autres. Un film avec un design de Brian Froude, sorti le 27 juin 86. David Bowie, évidemment, en collant super serré. Ouais. Écrit par Terry Jones de Monty Python, le groupe humoristique britannique. George Lucas était producteur exécutif de ce film-là, savais-tu? Ah non, je savais pas. Le film a déçu au box-office, mais quand même, c'est un film culte sur vidéo cassette. C'est le dernier film réalisé un peu par Jim Henson, voilà, des marionnettes de Jim Henson. Ouais. Avant sa mort en 1990. La chorégraphie qu'on dit, oui, de Labyrinthe, était par Gates McFadden. Elle est connue pour son rôle de Dr. Beverly Crusher dans Star Trek Nouvelle Génération. Ah, mais mon Dieu. Ben. Il y a 30 ans aussi, on fait toujours le top des choses qui ont 30 ans en 2016. Hands Across America, je sais pas si tu te souviens, le 25 mai, un dimanche en 1986, 6,5 millions de gens se sont tenus la main, formant une chaîne humaine dans les États-Unis continentales. La chaîne faisait 4125 miles, 1000 de long, avec quelques petits trous par moment. C'était pour amasser de l'argent pour USA for Africa, ceux qui ont produit We Are the World l'année d'avant. Ouais. Les participants devaient, ou en tout cas, étaient encouragés à payer 10$ par personne pour aider les sans-abri. Plusieurs n'ont pas donné d'argent, donc le montant n'était pas aussi élevé qu'on pensait qu'il allait être. Vous pouvez lire un petit résumé de l'événement sur assemblagerequis.com. Ensuite, The Final Countdown de Europe a 30 ans. Le groupe suédois a écrit The Final Countdown, voulant l'utiliser comme ouverture à leur concert. La chanson est devenue un énorme succès quand elle est sortie comme single. Sur la NES, il y avait le jeu vidéo Stadium Events qui est sorti, un des rares jeux. Le plus rare, voilà, sorti aux États-Unis. On dit qu'environ 200 copies ont été vendues avant que le jeu soit retiré des tablettes. Et maintenant, il se vend pour des dizaines de milliers de dollars à des collectionneurs, le jeu Stadium Events. Ah, mon Dieu! Étrangement, l'imprimante 3D a 30 ans aussi, la stéréolithographie. En 86, Chuck Hall a breveté la première imprimante 3D. Ça a pris des décennies avant de se rendre à un prix qu'on pouvait se permettre dans la grande clientèle. La technologie a été utilisée pour créer des prototypes physiques depuis le milieu des années 80. La première chose à avoir été imprimée par Hall, c'était un petit eye cup, donc un truc pour les yeux, utilisé par les optométrices. Ah, pour c'est vrai? La première chose qui a été créée avec cette machine-là. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Pas pire. Et finalement, Colin, on finit avec un film de Star Trek, Star Trek 4, The Voyage Home. On dit le plus drôle des films de Star Trek, le plus années 80. Spock porte un bandeau blanc pour déguiser ses oreilles de Vulcain. Ah. Et personne ne trouve ça bizarre. Ben ouais. L'équipage voyage à San Francisco pour sauver les baleines. Et Scotty dit « Bonjour, ordinateur » dans une souris d'ordinateur. OK, ouais. Et c'est réalisé par le grand et très décédé Leonard Nimoy. Monsieur Spock lui-même. Voilà. Hey, c'est pas pire. On a pris exactement le temps qu'il nous fallait pour faire le top 25 des choses qui ont 25 ans en 2016 et le top 30 des choses qui ont 30 ans en 2016. Ben le oui. Reste de la liste sur assemblagerequis.com. Il y a quelques petits événements politiques que j'ai décidé de sauver parce que, Colin, je m'y connais pas du tout en politique. C'est correct. Merci beaucoup. Tiens. On est dans le présent. Mm-hmm. On n'est pas des sauvages. Non, on a le droit en effet. De danser comme des sauvages. Mais oui. En écoutant Ariane Zita. Soyons sauvages. Assemblage requis. C'est fou. 89 ans. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, oh oh oh oh, assemblage Reiki pour toi, oh oh oh oh, aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 11 janvier 2016 avec Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est nous qui chantons sur l'intro. Ouais, ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, on a fait ça, on a enregistré ça. C'est ça, c'est la honte un peu. Mais bon, les autres sont bonnes au moins. Celle de Roland Frac oui. Et les risques du placé. Les autres sont excellents. Eh boy. Mais justement, tiens, tant qu'à chanter, tant qu'à avoir chanté l'introduction de l'émission d'aujourd'hui, chantons ensemble la chanson de Tania Is Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. She's gonna entertain ya. La la la la la la la la na na na na na na na na na na. She's gonna entertain ya. Salut Tania Baudin. Hey, salut. Ça va toujours? Ça va très bien, ben oui. Fait soleil! Il fait soleil. Oh, oui. Malgré le fait qu'on a l'impression du studio qu'il va y avoir des arbres qui vont tomber sur le pavillon, mais sinon tout va bien. Hey, c'était quand même vraiment, il ventait cette nuit, là, le bruit que ça faisait. Juste en m'en venant ce matin, je veux juste dire de faire attention pour ceux qui ne sont pas encore partis chez eux. Faites attention, si vous attendez dans votre voiture présentement, attendez premièrement qu'il soit vraiment chaud, ouais. Parce qu'il fait vraiment froid, mettons. Puis deuxièmement, faites attention sur la route parce que oui, c'est glissant, mais ils vendent tellement que les voitures se déplacent comme par eux-mêmes. Wow! C'est de grosses rafales de vent ce matin, je pense. De bons moments. Ouais, mettons, c'était assez cocasse. Donc, Tania, la première chronique de la semaine? Ben oui! De quoi on parle? De musique? On va parler de beaucoup de choses, en fait. Je le disais un petit peu plus tôt, hier, j'ai écouté un documentaire. Je me disais que je voulais en parler, mais je me suis dit, je pense que je vais attendre à demain, mardi, pour vraiment avoir de meilleures informations et une recherche, parce que je voulais faire des comparaisons beaucoup. Alors, je voulais approfondir mes dires et mes sources. Alors, je vais faire ça durant la soirée ce soir et vous le présenter demain. Mais là, m'est venue la question, ouais, OK. Mais je parle de quoi? Mais je me suis dit, ben pourquoi pas parler de tout ce que j'ai fait cette fin de semaine? T'en fais des choses, une fille occupée. Ouais, je suis quand même très occupée. Mais en fait, je vais vous parler de quelques... de certaines choses que j'ai peut-être soit découvert ou redécouvert grâce à Internet, grâce à ces fameux réseaux sociaux aussi. Et tu le sais, j'aime écouter des films. Je vais vous présenter aussi un film que j'ai regardé cette fin de semaine et que j'ai quand même trouvé excellent. Alors, première chose dont je vais vous parler, en fait, c'est un blog que l'on retrouve simplement sur Facebook. Donc, c'est une page Facebook qui devient, en l'occurrence, un blog. Et on le sait, les blogs, c'est vraiment très, très populaire ces temps-ci. Mais là, j'ai vraiment une petite... un petit penchant pour celui-là parce que je connais la fille qui a fait le blog. J'ai étudié avec elle à Promédia à Montréal et c'est le blog Citron Lime qui a été créé par Fré Provencher. Alors, en fait, de quoi est-ce qu'on parle sur Citron Lime? C'est très, très simple. On parle de mode, de bouffe, de voyage, d'inspiration. Et si jamais vous allez faire un tour sur la page Facebook, vous allez voir, elle a quand même mis beaucoup, beaucoup de contenu depuis le temps que c'est sorti. C'est sorti depuis à peu près un mois. Donc, on travaille très, très fort de ce côté-là de la part de Free. Et je veux aussi mentionner qu'elle nous propose. Samedi, elle nous proposait un drink que Mathieu, si t'es... je suis occupée à regarder ses photos de la fille. Ouais, elle est très jolie. Ouais. si t'es partant, un jour, on va devoir l'essayer. C'est un drink à la framboise, mais à base de thé. Miam. Donc, elle nous a présenté ça samedi. Je vais vous donner les ingrédients bien vite, vite. En fait, c'est un thé à la framboise. Vous pouvez trouver du thé où que vous voulez. Et en fait, vous pouvez prendre du thé au goût que vous voulez. Là. Donc, si jamais vous préférez, je sais pas moi, les pêches à la framboise, bien, elle-même le dit, vous pouvez choisir le thé que vous voulez. Par la suite, on met du 7-Up. De la vodka à la framboise, ça prend du sour push, mais ça, c'est facultatif. Hein? Ça doit être au goût si vous aimez ça surette ou non. Ça prend du citron, des framboises ou des feuilles de menthe si jamais vous aviez envie de décorer votre verre. Et quelles sont les quantités? Bien là, c'est 160 ml de thé pour 80 ml de 7-Up, 2 onces de vodka, 1 once de sour push et le jus de citron pressé, en fait. Et vous mélangez tout ça et ça vous fait vraiment un petit drink... du samedi soir, entre amis, facile à boire. Et c'est le fun parce que c'est fait à base de thé. Tu sais, quand tu vas chez David's Tea ou tu vas, pour pas nommer David's Tea, mais... trop tard. Ouais, c'est ça. Quand tu vas chez David's Tea ou dans une boutique où ils vendent du thé, bien souvent, ils te le disent. Oui, vous pouvez utiliser ça comme base de drink. Puis moi, je me suis déjà fait dire, vous pouvez faire ça comme base de sangria. Et vraiment, ça m'a intriguée. Alors là, de voir que quelqu'un a fait des drinks à base de thé, vraiment, je pense que je vais l'essayer. Puis c'est dans... un jeudi, là. OK. Une grosse pointe à l'adresse. Vendu. On va devoir essayer ça à 8h30 le matin. Ah, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça va être super le fun, je pense. Ouais. Je crois que ça va être très bon, en fait. Citron Lime. Oui, Citron Lime, c'est la page Facebook du blog de Fré Provencher. Et on est quand même déjà rendu à 885 likes depuis un mois. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez aimer la page Facebook parce que c'est la seule place où vous pouvez retrouver le blog, c'est vraiment sur Facebook. Donc, c'est plate un peu, ça, je trouve. C'est plate un peu. Facebook, c'est pas éternel, ça. Oui et non. En fait, je dirais... je pense que c'est simplement le moteur de recherche le plus utilisé. En ce moment, en 2016. En ce moment. On disait la même chose de MySpace, là, 5 ans. Ouais, non. Mais là, ça fait combien d'années que Facebook est très, très populaire comme ça, mettons? C'est tout le temps passager, ça. Ça fait un petit bout, hein? Ouais. Bon. Je te l'accorde, par exemple. La deuxième chose avec laquelle... ben deuxième chose. Ouais, je vais dire ça comme ça. Deuxième chose avec laquelle j'ai renoué cette fin de semaine, c'est un... je vais pas dire channel, mais une page YouTube. Ouais, une chaîne YouTube. Chaîne YouTube ça, ouais. Voilà, une chaîne YouTube d'une fille de Trois-Rivières. Elle s'appelle sur YouTube Mademoiselle Valérie, mais là, écrivez-le comme il faut. C'est M-L-L-E. Valérie. Et en fait, c'est une fille de Trois-Rivières qui fait des vidéos, évidemment, axées sur la beauté et la mode. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une fille qui travaille dans une pharmacie. Là, je le dis parce que je le sais, c'est ma pharmacienne. Ah, bon. Alors, okay. En fait... t'en connais du monde, ouais, toi. Tous les trucs et astuces qu'elle donne, elle les donne même en pharmacie. Donc, si jamais vous passez comme ça, là, par hasard, au Pharmaprix, ça se peut que vous tombiez sur Valérie. Mais si vous allez... Name dropper! Non, mais si jamais vous allez voir par la suite ses vidéos, vous allez voir qu'elle va vraiment dire la même chose. Donc, il y a une constance dans ce qu'elle dit. Et c'est ce que j'aime et la simplicité de ses vidéos. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes maintenant qui sont rendues axées sur, justement, le name dropping, comme tu dis, qui sont axées sur la pousse de produits. On essaie de faire vendre des produits aux YouTubers. Ce que j'aime... Il y a peut-être des partenariats avec des grandes marques. Ouais. Exactement. Mmh. Ce que j'aime, en fait, de Mademoiselle Valérie, c'est que jusqu'à présent, c'est simple, c'est efficace et les trucs sont excellents. Donc, si jamais, mesdames, vous voulez quelques trucs de... Je sais pas moi, de maquillage ou encore si vous savez pas vraiment comment appliquer votre auto-bronzant ou je vois vraiment grossièrement. C'est basé sur un fait vécu, je pense, cette histoire-là, moi, je pense. Bien, en fait, c'est que ce sont des vidéos que l'on retrouve quand même assez souvent sur YouTube. Mais là, de le voir par une fille qui vient d'ici, si jamais vous avez des questions, en fait, vous pouvez aller la voir aux pharmacies, hein, au Pharmaprix. C'est aussi simple que ça. Puis, elle est très, très, très accessible, même sur sa page YouTube. Si vous laissez des commentaires, elle va vous répondre dans l'heure qui suit. Donc, ça, c'est quand même très plaisant. Mm-hmm. Alors, Mademoiselle Valérie, sur YouTube, mesdames, si jamais vous voulez voir de quoi il s'agit. Troisième chose avec laquelle j'ai renoué ou que j'ai découvert, je pense plus que là, je l'ai découvert. En fait, je l'ai fait jouer la semaine dernière dans une de mes chroniques. C'est Wolfgang, qui est un band de rock alternatique et symphonique anglais, évidemment de l'Angleterre. Qui est surpris? Je sais pas c'est quoi hein, mon problème avec les artistes anglais. Ah, c'est une bonne affaire, c'est bon. À chaque fois que je fais découvrir des artistes, ils viennent d'Europe. Mm-hmm. Rares sont les fois où ils viennent d'ici. Hein? Ouais. Je suis désolée. Aucun problème. Écoute, Wolfgang, en fait, c'est très, très simple. Le chanteur, c'est Max Meg Illigut, qui est avec Gavin Slater, qui lui est guitariste, et James Wood, qui est à la basse, ainsi que Lace Peterson, qui est à la batterie. J'avais entendu leur chanson sur YouTube en me promenant un petit peu parce que je suis le genre de personne là à prendre une chanson puis par la suite à descendre dans la barre simplement pour trouver quoi écouter d'autre, ouais. Sans vraiment que ce soit connu ou peu importe. Et j'étais tombée sur cette chanson-là qu'on avait entendue, que j'avais adorée, ma foi. C'était léger, malgré le fait que c'était du rock alternatif, là, je dois le dire. Et ils ont quelques albums à leur actif. Déjà, il y en a un qui est sorti en 2011, qui était sous le label d'Atlantic Records. Par la suite, ils ont signé un contrat d'enregistrement avec le label américain. Je vais essayer de le dire correctement, qui est Cherry Tree Records. Et par la suite, en fait, c'est une filiale d'Interscope. Okay. Mm-hmm. Records. Et par la suite, ils ont écrit et enregistré un deuxième album la même année, donc qui est sorti en 2014. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller soit sur Internet, bien évidemment, ils vont avoir un site Internet, sur la page Facebook. Je pense que de nos jours, c'est vraiment la façon la plus simple. Je sais que t'aimes pas ça, Mathieu, mais ça me dérange pas. je sais pas. Mais c'est vraiment la façon la plus facile de retrouver un artiste. C'est qu'en fait, vous allez voir, si jamais vous allez sur Facebook et que vous tapez Wolfgang, vous allez tomber directement... En deux mots en passant, parce qu'en un mot, il y a plein d'autres affaires, mais en deux mots, c'est la première affaire qui sort. Exactement. En deux mots, première affaire qui sort. Et comme je le disais, c'est des gars qui viennent de Londres. Donc, c'est très... Je pense que c'est le fait que c'est très, très mélodieux quand ça chante. Tu sais que je pense que... On dit souvent que les Anglais, quand ils parlent, c'est comme de la musique à nos oreilles. Mais là, quand ils chantent, c'est comme... Tania! Je pense que c'est pour ça. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller sur le site Internet qui est le www.wolf-gang.co.uk. Pour des Britanniques. Oui. Évidemment, c'est britannique. Donc, le site est britannique. Mais je mettrai le lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis si jamais ça vous intéresse. Et... quatrième chose que j'ai découverte cette fin de semaine, mon père et moi, on voulait écouter un film. On est genre là le dimanche, le samedi ou peu importe. On voulait écouter un film et comme pendant le temps des fêtes, on a écouté beaucoup de films, on avait comme un peu passé au travers de tout ce qui était sur Illico et sur les films sur demande. Mais on est tombé sur un film que j'avais pas vu et que je dois dire attirait mon attention sur le fait que c'était jeune, frais, Dans le vent, branché. Moi, c'est ça, dans le vent. Non, en fait, c'est le film. En français, on appelle ça « Nous sommes vos amis ». Et en anglais, c'est « We are your friends ». Je ne sais pas si tu, si tu sais quel est le film exactement. Non. Mais c'est un film avec Zac Efron. Ah ben, je connais pas ça. Mais c'est un drame américain. Je dois dire que le mot drame est quand même assez poussé là. C'est oui, il y a un gars qui meurt dedans, mais tu sais, c'est pas c'est pas si tragique que ça. Okay. Mais c'est en fait, je vais vous dire un petit peu le synopsis, qu'est-ce que c'est en gros. Mais ça a été coécrit et réalisé par Max Joseph et ça c'est sorti en août 2015. Donc oui, je sais, je suis en retard et je vous en parle en janvier 2016. Mais bon. En fait, Cole Carter, qui est joué par Zac Efron, joue le rôle d'un DJ de 23 ans et il tente de toutes ses forces, quoi, de faire succès dans le monde de la musique électronique à Los Angeles, ce qui est quand même assez difficile. On sait que l'électro, c'est quand même de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de monde qui écoute ça. Il y a de plus en plus de monde aussi qui en font. Alors, de ce côté-là, dans le film, on le voit, c'est quand même assez difficile de percer parce qu'il faut que tu trouves cette espèce de signature-là qui va être à toi. Et veux, veux pas, faut que les gens aiment ce que tu leur offres. Mmh. Je pense que le domaine de la musique, c'est un domaine qui est encore plus difficile que n'importe lequel parce que si, je sais pas, si tu te présentes sur une piste de danse puis que t'aimes pas ce que t'entends, tu danseras pas, point. Tu vas juste tourner de bord et partir. Alors, c'est ce qui joue un petit peu dans le film avec Zac Efron, c'est cette espèce de difficulté-là à trouver cette signature. Et bien évidemment, dans le film, il va s'allier d'un mentor qui est un petit peu plus vieux, qui est déjà, lui, DJ. C'est joué par, je me souviens plus, je pense que c'est John Abrahams qui joue ce rôle-là, qui joue le rôle de James. En fait, c'est un gars dans la trentaine qui, lui, était excellent DJ dans le temps. T'sais, tu comprends, ouais. Mais là, il commence à descendre un petit peu dans le péril de l'alcool et de la drogue et tout ce qui suit. Mais il devient un mentor exceptionnel pour le rôle que joue Zac Efron, Cole Carter. Alors, je vous... en fait, je vous le recommande. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce film-là. Et les critiques étaient... très, très partagé, je dois l'avouer. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, c'est un film complètement pourri. » Il y en a d'autres qui disaient « La musique est excellente. Le lien du film est excellent aussi, tu sais, l'historique. Tout ce qu'ils disent dans le film par rapport à la musique, ils parlent des battements par minute, puis tout ça par rapport à un corps, tout ce que ton corps va ressentir, pourquoi est-ce que tu vas te mettre à danser. C'est excellent. Je pense que c'est ce bout-là du film. Je pense que ça dure comme 5 minutes et demie, là, mais c'est ce bout-là du film qui vaut vraiment la peine de regarder tout le film au complet parce que c'est là que tu comprends que quand tu essaies ou que tu veux devenir DJ, c'est extrêmement difficile. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bien évidemment, c'est pas Zac Efron qui joue toutes les chansons qu'il fait, là, parce que c'est pas un DJ. Et il l'a dit lui-même sur plusieurs médias sociaux, mais il tenait à remercier beaucoup, beaucoup des collaborateurs qui avaient fait les pistes pendant le film. Et d'ailleurs, une de mes pistes préférées, c'est celle à la toute fin du film, qui s'appelle Cole's Memories. Si jamais vous voulez, je vais la partager sur Facebook. Mmh. Je vais pas la faire jouer immédiatement parce que c'est quand même de l'électro qui dure pendant 5 minutes et demie. Ouais, alors, redondant. Ouais, c'est ça. Redondant, mais tu sais, c'est qu'il y a des vagues hein, dans de l'électro. Ouais. Alors, voilà. Mais, par contre, ce que je peux vous faire écouter, quand on va avoir fini de discuter de mon nouvel artiste, c'est une chanson, bien évidemment. Puis vous allez voir, ça a complètement pas rapport avec l'électro. OK, bon. Mais je suis une fille comme ça. Tu vous avertis au moins. Oui, j'ai renoué avec mon bon vieux. Ça se dit plus? Mon bon vieil? Non. Mon vieil ami. Mon vieil ami, oui, le bon country. Vieil ami. Ouais, ouais. Ouais, mon vieil ami, ouais. Le country en fin de semaine. Et je suis tombée sur un artiste qui fait de plus en plus parler de lui aux États-Unis, du côté de Nashville et tout ça. C'est Stephen Hogan. Qui est Stephen Hogan? Eh bien, c'est un... évidemment, un chanteur country. Mais si vous me laissez 30 secondes, là, je vais pouvoir retrouver, en fait, d'où il vient exactement. Il vient de Sacramento, aux États-Unis. Et son genre est vraiment très country rock pop. Je pense que c'est ce qui pogne, bien évidemment, du côté du country. Je veux pas nécessairement dire un style de Luke Bryan, parce que lui-même ne se dit pas comme étant un Luke Bryan. Par contre, il dit qu'à l'âge de 5 ans, il a commencé à avoir la piqûre pour tout ce qui était musique et tout ce qui était John Denver, un grand chanteur de country aux États-Unis. Et un petit peu plus tard, par la suite, il est allé voir son premier concert de country qui était Tim McGraw. OK. Ah, c'est Tim McGraw. Ah, bon. Il en a-tu pas inspiré du monde, lui, dans la vie? Mais c'est grâce à Tim McGraw si aujourd'hui il fait ce métier-là et c'est lui-même qui le dit. Il dit parce que quand j'ai vu son spectacle, je me suis dit « Wow, je veux devenir un Tim McGraw, moi aussi ». Et c'est souvent ce qui va arriver. Ses influences musicales, ça ressemble beaucoup à The Eagles, Tim McGraw, comme je le disais, John Denver. Il parle aussi un petit peu de Metallica. Donc, de ce côté-là, on voit vraiment le côté plus rock, metal, country. Mais il dit que t'as pas le choix pour pouvoir percer aujourd'hui dans le country. Ça te prend de la pop aussi. Mm. Donc, de ce côté-là, d'ajouter des touches un petit peu comme Ladies in the Bloom ou encore, je veux pas dire Taylor Swift, là, mais tu sais, bien évidemment, je parlais de Luke Bryan tout à l'heure, comparaison avec Luke Bryan. C'est une espèce de petite touche pop-là qui vont faire en sorte que la chanson va devenir très, très catchy aux oreilles des gens. Eh bien, c'est ce qui va faire en sorte que votre train-train quotidien du country va devenir une habitude dans votre véhicule. T'as pas d'auto. Non, j'ai pas d'auto, mais c'est sûr que ce sera sûrement pas le son qu'il y aurait dans mon auto. Probablement pas, je sais, mais bon. Mais je te respecte quand même. J'espère, parce que moi, j'aime ça, le country. Puis, je vais vous faire écouter, en fait, pas la chanson qui l'a vraiment fait découvrir, mais sa deuxième chanson qui est sortie plus récemment, elle s'appelle Do It All Again et c'est Stephen Hogan. Ah, assemblage requis tout de suite. Oh, you know what happens when you turn the radio on and you hear your favorite song. This is what happens. Let's have a party. It's Friday night. Burning in my pocket and she's ready to go. All I know, she wants a good time. She's a real fine thing. All my buddies are jealous. I got her hanging on the side of my arm. Her hips are swaying left to right. My eyes are moving side to side. And her lips are sweet as honey. Top down cruising, sweet summer night. Gonna tear up the town, lay it all on the line. Tonight is the night you never wanna end. So you do it till the sun comes up, then you do it all again. Kicking downtown and the night is young. I'm gonna give that girl a good time. The beer's flowing tall and cold, my baby's hot, the music's bumping. She pulls me out onto the floor. Let me see. The DJ plays her favorite song. Everybody sing along and we dance until the morning. Top down cruising, sweet summer night. Gonna tear up the town, lay it all on the line. Tonight is the night you never want. Till the sun comes up, then you do it all again. All right. Break it down. Town, lay it all on the line. Tonight is the night. You never. till the sun comes up, then you do it all again. I say you do it all again. Do it all again, Stephen Hogan. Cet artiste country que j'ai découvert cette fin de semaine et que j'aime donc entendre dans mes oreilles. Ça fait changement, en tout cas. Oui, ça c'est fait changement, ça. Mais Mathieu, je dois avouer, je t'ai vu dandiner. Bon, ben, c'est de la pop quand même. Ah! Tu peux pas faire autrement, c'est fait pour ça. Je t'ai vu. C'est fait pour ça. rappelle-nous en rafale ce que tu nous as mentionné dans la chronique. Oui, certainement. Aujourd'hui. Eh bien, on a parlé du blog seulement regardable sur Facebook Citron Lime, la chaîne YouTube Mademoiselle Valérie, le band anglais Wolf Gang, le film d'électro We Are Your Friends, où nous sommes vos amis en français, et bien évidemment le chanteur que vous venez tout juste d'entendre, qui était Stephen Hogan. Wow, t'en as mis des choses dans la même chronique. J'en ai mis des choses dans la même chronique, mais j'ai découvert beaucoup de choses cette fin de semaine. J'ai renoué avec beaucoup de choses et je voulais vous les faire découvrir. Bon. Et demain, encore une fois, tu vas nous parler de Parents Inc, truc de hockey. t'as comme vu mon post. J'ai vu, oui. Oui, en fait, demain, c'est très, très simple. Je vais vous faire la comparaison immense de ce documentaire-là qui parle de hockey avec le monde de la course automobile. Cool. C'est demain dans Tania is Gonna Is Tania. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Blante. Autour de la pause, la nouvelle chronique de Samuel Girard s'en vient. On n'a pas encore le nom de sa chronique. Non, c'est vrai. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. 3 minutes. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requiem ce lundi. Ah oui, on est le 11 janvier 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. C'est, on a un nouveau thème à chaque jour. Comme vous le voyez, c'est pas le préféré de l'équipe. Mais voyons. Ah, voyons donc, toi. Sur des paroles de Valse Parietar, la musique de Ludwig Göransson, c'était Tania et moi qui chantons cette introduction à l'émission. Il nous reste encore une autre à entendre, une nouvelle intro pour l'instant. Ben oui. On va avoir plein d'autres pendant le reste de la session, c'est certain. Presque certain, je pense. Maintenant, une autre nouveauté qu'on a dans le mois de janvier épique, hashtag janvier épique sur Facebook. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez de son émission Génie en liberté, l'émission de politique, d'actualité, etc. Vous connaissez du Mathieu Plante Show quand il fait sa chronique sur les jeux vidéo d'un gamer à un autre. Et maintenant, il n'y en avait pas assez. Il a décidé de s'inclure dans l'émission Assemblage Requis aussi avec une chronique avec pas de nom. Ouais, c'est vrai. C'est Samuel Girard. Bonjour Samuel Girard. Hey, bonjour. Ça va? Hey, je suis déboussolé à matin. Oui, ça fait bizarre le lundi. Quoi que t'as déjà été le lundi dans ton émission, me semble. Oui, non, mais c'est pas, en fait, c'est vraiment l'heure à matin. C'est incroyable. Ça fait 3 semaines, moi, que je suis en vacances. Ça. C'est vrai? C'est vrai. Que t'as pas fait de radio du tout. Non, c'est ça. J'ai terminé ma maîtrise milieu décembre. Et puis là, je suis en congé depuis, donc ça fait longtemps que je me lève tard, que je suis en congé, que je prends ça relax. Et là, matin, cadre à 6h30, bang, on passe ça. Bang! 6h30, il se lève à la même heure que moi, mais c'est quand même qu'il est une heure plus tard que moi. Fait que je pense que c'est moi qui se prépare très, très rapidement. Et non pas toi qui te prépare très lentement. Ah, mais peut-être qu'il y a de la route à faire. Ah! Pas tant que ça. Non. J'habite juste au Cap. Là. Bon, moi aussi. Bon. Ouais, non, c'est vraiment Mathieu qui se lève tard, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que oui. Ouais. Ouais. Bref, peu importe. Samuel, tu vas venir avec nous tous les lundis matins pour parler d'actualité, de politique, de choses comme ça. Un complément, si on veut, à ton émission Génial Liberté. Exactement. Hey, tu peux pas mieux résumer ça que ça? Ben, j'ai essayé. Ben, c'est bien. Avec le temps, ça va s'améliorer. Ah, hein. Oh, ben, hey, wow. Voilà. Wow. Ouais. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle pour cette première chronique? Ben, en fait, je vais faire une petite première parenthèse de nouvelle plate, c'est-à-dire le décès de David Bowie. Oui, ben, je peux oui, pas passer oui. à côté. C'est une autre légende qui parle. Est-ce que t'as une pièce préférée de David Bowie pour qu'on se quitte avec ça tantôt? Non, malheureusement, il fallait que je cherche un petit peu parce que, oui, j'en ai accroché quelques-unes par-ci par-là. Mais moi, qu'est-ce que je cherchais? C'était une collaboration qu'il avait faite avec David Gilmour de Pink Floyd. OK. Mais j'ai pas eu le temps matin de plus chercher que ça. Mais je me semble. Ça pendant la chronique. Ben, en tout cas, si t'as trouvé, ce serait très bien. Mais oui. me semble de mémoire qu'il y a une chanson qui m'avait accroché des deux qui chantaient ensemble. Mm. Donc, mais je me rappelle pas exactement. Donc, en tout cas, c'est très triste, là, mais. C'est, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de la vie. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la vie, comme ils disent. Ouais, exactement. Et en fait, qu'est-ce que je fais à matin, c'est de vous parler de politique. Oh! Évidemment. Ben c'est spécial, ça. On n'a pas vu ça venir. Elle n'a pas en tout, hein. Non, c'est très simple. C'est un sondage qui a été fait l'année dernière, ben 2015. On s'entend. Ouais. Et c'est ça. Donc, on voulait savoir un petit peu c'était quoi les aspirations des jeunes Québécois. Ah, et okay. Évidemment, on a comparé ça aussi avec les autres groupes d'âge. Donc, la manière que ça a été fait, c'est un sondage léger. Donc, ça, on connaît très bien cette firme de sondage-là. Ils sont très, très, très présents dans l'actualité. Et ils ont, en fait, au total, donc, c'est 1062 répondants. Je trouve toujours ça particulier d'avoir 1062 répondants et de faire parler le sondage au nom de tous les Québécois. Ouais. Mais, statistiquement parlant, c'est correct de faire ça. Pour avoir fait un cours de statistique, ils sont corrects. Ils ont le nombre nécessaire pour que ça soit valide. C'est ça. D'accord. Donc, pour que ce soit représentatif, un minimum, mais évidemment, ils se gardent une marge d'erreur. Donc, marge d'erreur de plus ou moins 3 % et ce, dans 19 cas sur 20. Ah, tout sauf un. Ouais, c'est, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, hein? Donc, quand même, c'est quelque chose. Le premier thème principal, c'est la recherche scientifique. Et je pense que je vous apprendrai absolument rien si je vous dis que les gens, en général, croient à la science. Ils disent que ça sert à avancer la science et les connaissances générales et qu'ils aimeraient bien que la science soit utilisée pour prendre des décisions. Bon, je pense que je ne surprends personne. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est, je pense que c'est juste comment dire, la suite logique des choses. Donc, c'est pas sur cette partie-là que je vais m'attarder. C'est sûr et certain, ça, c'est le gros bon sens oui. qui parle. Là où ça devient intéressant, il y a l'héritage reçu d'une génération à l'autre. Et en général, eh bien, les baby-boomers sont très satisfaits de l'héritage qu'ils ont reçu, mais les 18 à 54 ans, eux, sont déçus de l'héritage qu'ils ont reçu. OK. Donc, ça veut dire que les gens, en général, n'aiment pas vraiment ce que les baby-boomers ont légué. Ouais, on entend souvent parler, on chiale souvent contre les baby boomers. Exactement. Donc, c'est ce que ça nous dit là. Le prochain point est encore plus intéressant, c'est l'héritage laissé. Qu'est-ce que vous pensez de l'héritage que vous laissez à la génération d'après? Les baby boomers sont très satisfaits de l'héritage qu'ils ont laissé. Ils sont fiers, hein? Ils sont fiers de ce qu'ils ont laissé. Mais pourtant, je viens de dire avant que les gens n'étaient pas fiers de ce que les baby boomers leur avaient légué. un peu spécial ici. Par contre, les 18-54 ans, eux, sont 47 et 45% pour ce qui est de leur satisfaction de l'héritage qu'ils laissent à la prochaine génération. OK. Donc, c'est 50-50. Mm. Donc, tu vois qu'il y a il y a quelque chose qui se passe ici. Je trouve ça un peu spécial aussi, parce que pourtant, avec tout ce qu'on voit qui se développe dans notre société, je me dis, ben là, soyez satisfait de ce que vous laissez. Ça devrait être bon, oui. C'est ça. Mais non, au contraire. Il y a la moitié du monde qui est insatisfait. Est-ce que c'est juste pas assez? Oui, je pense plus que les gens sont difficilement satisfaits maintenant. Oui. Moi, je pense que c'est ça. On se met la barre haute. Ou ouais, c'est à quel point? Est-ce que c'est de la façon dont on éduque les jeunes ou c'est qu'est-ce qu'on leur laisse technologiquement? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on leur laisse comme apprentissage? Il y a plusieurs points à ça. Mm. Puis ça, évidemment, un sondage comme ça ne dit pas les gens répondent sur quelle base à ce moment-là. C'est une question très générale. Mais qu'est-ce qu'ils ont en tête au moment de répondre? C'est là un peu que je me dis, ben écoute, il peut y avoir une insatisfaction, mais juste sur un point précis. Ouais, je suis d'accord là-dessus, c'est vrai, t'as pas tort. Et ça nous le dira pas. Mais, ils disent pas, êtes-vous satisfait des valeurs que la génération d'avant vous a laissées? Êtes-vous satisfait de la technologie? Tu sais, c'est vraiment à la personne qui répond. Je suis d'accord avec toi sur ça, Sam. C'est bon. pas trop chicane encore pour l'instant. Maintenant, sur le point de vue de la vie personnelle. Donc, les deux éléments les plus importants pour vous, et évidemment, les trois qui ont ressorti le plus, c'est être plus à l'aise financièrement. Et là, c'est les trois groupes d'âge qui sont dans les 60%. Ah, donc, okay. On voit que la valeur qui revient le plus souvent, c'est d'être à l'aise financièrement. Mm. Tout le temps. Et pourtant, il me semble que ce n'est pas nécessairement les valeurs premières qu'on veut transmettre, ça, de penser à l'argent. Non, on aimerait pouvoir dire qu'on fait ce qu'on aime à la place de faire ça pour l'argent. Ben c'est ça. Et pourtant, c'est le côté financier qui revient en premier. Mm-hmm. En deuxième, c'est réussir ma vie de couple. Tout le monde dans les 50%. Ah, hey boy, ah ouais. Sur ce... Et étonnamment, les plus élevés, c'est les 18-34 ans. À 54%. C'est ça. Ça ne me surprend pas. Je regarde Tony actuellement, c'est très drôle. C'est pas mon nom. Je pense qu'autour de la table, on s'entend pour dire ouais, que... Bon, sur ce, on est pourris, là. Ça va merveilleusement bien. On fait trop de radio. Ah, c'est ça, l'affaire. C'est ça, l'affaire. Ah, c'est ça, faut sortir le soir au lieu de se lever tôt, venir faire exactement, de la radio. Exactement, t'as voilà. Compris. Mais non, faut faire ce qu'on aime. Ah, ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pas, ça. Pas pour l'argent. Pas pour l'argent. ni pour le couple. Surtout pas pour moi, revient... hein. Surtout pas toi. Ça revient tout au même, cette question-là. Et finalement, le troisième point, c'est entretenir et développer mes relations avec mon entourage. OK, les amis. Ça, je suis d'accord, ouais. Mmh. C'est ça. Donc, 41% pour les 18-34 ans, 32% pour les 35-54 ans et 51% pour les baby-boomers. Mmh. Ben là, c'est 55 et plus, fait que c'est pas tous les baby-boomers, non, en tout cas, c'est une partie. Ils sont inclus ouais. Là-dedans. Donc, excusez mon raccourci rapide. Le mariage. Oh boy. C'est fortement oui pour 52% pour les 18-34 ans, 57% pour les 35-54 ans, et sans surprise, les 55 et plus, 72% pour le mariage. Mais quand même, plus de la moitié pour les jeunes. Ouais, femme, mais ça aussi, me surprend. C'est ça. C'est le retour. Sauf qu'encore là, on dit pas quel mariage. Ah non, mais non, c'est ça, exact. Parce qu'un petit mariage civil avec une dizaine de personnes, ça compte. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pas un mariage comme on célébrait avant. Là. Mais on est comme dans la génération du pas mariage, pas de couple, pas rien. Je suis quand même surprise du nombre. Ça m'a surpris aussi. Je trouvais ça spécial. Petit point qu'il fallait que je note. Est-ce que vous vous rappelez, un petit peu, c'est... Je retrouve... Trop de feuilles en même temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est où est-ce que... OK, parfait, je l'ai. Je l'ai, mon lien, ici. Donc, je vais continuer. Les enfants. Oh boy. Mm-hmm. Donc, les enfants, est-ce que c'est important? 18-34 ans, 81%. Oh! Wow, 35-54, 75%. Et 55 ans et plus, 80%. OK, tout le monde est bien élevé. Wow! Est-ce que... Littéralement. Ouais, non, mais c'est le désir d'avoir des enfants. Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'ils en ont déjà eu? Je trouve ça particulier pour les 18-34 ans. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers un prochain baby-boom? Que ce soit autant élevé l'importance d'avoir des enfants? Ça dit pas le nombre qu'ils veulent en avoir. C'est ça. Parce que ça peut être un. C'est ça. Et on sait que un... Ça cause une réduction de la population. Oui, mais le vouloir et le pouvoir, c'est différent. C'est te dire, ah oui, j'aimerais ça avoir des enfants. Puis là, comme 3 ans après, tu fais comme, ah ouais, j'ai pas d'argent, on va avoir des enfants. Ouais. C'est différent. Oui. J'avais dit que les 55 et plus voulaient se marier à 72% mm-hmm. ou étaient mariés. Et petit fait cocasse, quand j'avais parlé dans les réussites dans la vie personnelle, il y avait réussi la vie de couple, les 55 ans et plus, c'est 52%. Mais pour le mariage, c'est 72%. Donc ça veut dire qu'ils veulent tous se marier, mais qu'ils n'ont pas plus le goût de réussir leur vie de couple. Ou ils sont pas heureux dans leur vie de couple. C'est ça. Oh, peut-être. Il y en a beaucoup de ça. Mais qui restent ensemble pour les enfants. J'aime particulièrement la trame de fond en ce moment. Merci, ouais, c'est ça fait... J'en essaie plusieurs jusqu'à temps qu'on trouve la bonne. Je pense que ça n'est pas pire. Ben, en plus, bien. Celle-là, elle a commencé quand on disait « enfant ». Enfant! Ça a comme... C'est épique! La partie que je trouve intéressante, le syndicalisme. Oh! C'est ton domaine fétiche sur lequel je suis allé. Non, c'est le quatrième dans ma liste. Ok. Les domaines. Ouais, c'est ça. Mais dans il est pas le lien. Les relations de couple, c'est le premier. Non, ça, c'est celui que je vais éviter, mais que tout le monde passe le temps à me ramener. Puis les baby boomers sont sur ta liste? Non. Non, mais ils sont pas loin. J'ai quand même lu le livre L'État contre les jeunes. Ah, okay. Et ça parle de qu'est-ce que les baby boomers ont laissé à notre génération. Okay. Fait que, parenthèse comme ça, ta liste, là, top 5, mettons, c'était quoi? Si c'est si tu connais la position de... Ben, top 5, il y aurait, mettons, l'éducation. Ouais. Il y aurait le gaspillage de fonds publics. Il y aurait la santé, le syndicalisme. Puis tu pourrais mettre après ça l'impact des baby boomers sur la génération d'aujourd'hui. Eh ben, crémier ça, là. Mon il... Dieu, hein? Moi, j'aurais pas été capable de faire ça comme ça. Non plus. Puis évidemment, la liste peut changer un petit peu et l'autre peut changer oui. seul selon qu'est-ce qui se passe à l'actualité et selon mes frustrations réel. Du moment. T'as une feuille excellente en bon, je vais aller lire le journal une couple de fois, mais on va... T'avais pas dit à un moment donné en blague qu'il faudrait, faudrait appeler une chronique à un moment donné, ça m'enrage, pour que je puisse chialer ben, sur oui. mes oui. problèmes. C'est clair. Ben, c'est comme ça que tu pourrais appeler ta chronique. Il cherche un nom encore, mais il est pas très... Il y a de la misère avec les noms. Ouais, j'ai vraiment de la misère avec les noms. J'ai tout gaspillé ma jauge de Locke pour mon nom Génie en Liberté. Tu sais, d'un gamer à un autre, c'est bon aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, merci. Il faut que tu prennes le temps de... Tu me rassures. C'est peut-être un peu juste un manque de confiance qui me manque pour trouver des noms comme ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Bref. Bon, syndicalisme. Ouais. Est-ce que les gens ont déjà occupé ou occupent actuellement un emploi syndiqué? Les jeunes, 18-34 ans, 40%. 35-54 ans, 58%. Et 55 ans et plus, 62%. Ah. Mais c'est normal que les jeunes... Il y a moins ça parce qu'on s'entend-tu que les emplois salaires minimum, souvent, ne sont pas syndiqués? Non, c'est ça. Mais j'ai comme l'impression aussi que c'est le fait qu'ils ne le savent pas. Qu'ils savent pas qu'ils sont syndiqués. Oh! Attends, okay. Ils savent pas qu'ils sont donc, syndiqués. Donc, toi, quand, mettons, là, t'es engagé quelque part. Ouais. Là, première chose qu'on te dit, c'est que t'as un syndicat? Je sais pas, mais tu le payes, c'est marqué sur ta feuille de paye, là? Ouais, mais si tu regardes pas ta feuille de paye, là. Ouais, j'avoue. C'est vrai que les jeunes... Mais ils reçoivent pas leur petite lettre de nouvelles de leur syndicat, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de... Comment dire? T'es supposé avoir des communications. Le syndicat se fait entendre. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est syndiqué, c'est parce qu'il veut vraiment pas le savoir. Mais là. Honnêtement, là, moi, quand je travaillais à l'aéroport, j'étais syndiqué sans le savoir. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a approché pour savoir si je voulais être représentante syndicale. Écrément. Hey, ça c'est surprenant. Ouais. Je suis partie à rue, j'ai fait « Est-ce que tu me niaises? » Aïe, ouais. J'aurais eu à peu près la même réaction si on m'avait offert quelque chose du genre. Mais je pense que l'endroit où je travaillais, le syndicat était déjà assez au fait de ne pas m'en parler. C'est ça, parce que sinon ta réponse aurait été « Laisse-moi y penser. » Ça a été un peu la mienne, mettons. Wow! J'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai comme l'impression que les jeunes ne le savent pas c'est quoi un syndicat. Ah, ça, ne pas savoir ce qu'est... OK, parce qu'ils peuvent savoir qu'ils sont dans un syndicat, mais ils ne savent pas nécessairement ce qu'un syndicat peut faire pour eux ou exactement. Ce que ça représente dans pourtant, leur job. Pourtant, j'ai commencé à travailler à 16 ans et déjà à 16 ans, je chialais contre mon syndicat. Ah. Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de la famille. Tu sais, mettons que tu as été inculqué, là, les syndicats, c'est ci, c'est ça. Tu sais, on t'a informé que... Qu'est-ce que c'était? Mais quelqu'un qui a jamais été informé de ça. Je demanderais aux gens de ma famille s'ils m'ont déjà parlé en mal des syndicats quand j'étais jeune. Peut-être que ça m'a influencé. Hein? Peut-être qu'ils t'en ont parlé en bien, mais tu les aimais pas, eux autres. Ouais, ou tu le voyais dans les nouvelles. Oh, peut-être que tu regardais plus les nouvelles que les jeunes d'aujourd'hui. On a des théories, nous autres. Hey, c'est bien, ça. Ouais. Ensuite, être syndiqué, est-ce que c'est quelque chose de positif? Eh bien, 64% pour les 18-34 ans, 59% pour les 35-54 ans et 73% pour les baby-boomers. Okay. Donc, c'est toujours les baby-boomers qui sont les plus forts là-dedans. Est-ce que vous aimeriez occuper un emploi syndiqué? Eh bien... Excusez. Ouais, c'est ça. C'était subtil. Ouais. Les jeunes 18-34 ans, 34%. 35-54 ans, 21%. Et 55 ans et plus, 24%. C'est vraiment pas beaucoup pour les... Ah, ouais. J'avais pas pensé. Cette ligne-là me fascine. Ouais, comment ouais, ça? Ouais, c'est ça. On dirait que parce ça vient que tout le monde, de faire le c'est reste. Ça, tout le monde vient dire que c'est quelque chose de positif, mais après ça, est-ce que vous aimeriez ça? Boah. Ouais. C'est d'où la question, est-ce que tu sais ce que ça fait un syndicat c'est pour ça. Toi? Mais c'est ça. Les gens veulent juste pas dépenser là-dessus, d'après moi. Exact. Et c'est spécial, mais je connais des gens qui sont très anti-syndicales. Ouais. Mais aussitôt qu'on essaie d'enlever quelque chose à la compagnie, et là, soudainement, je vois ces personnes avec les gilets syndicaux, les pancartes, puis là, ça part. Est-ce que ça se pourrait que, comme vous dites, les gens sont pas assez au courant de c'est quoi un syndicat et ils prennent juste le syndicat quand ça fait leur affaire? C'est comme la génération d'aujourd'hui. Hein? Ben oui, tu prends ce que t'as, c'est la garantie prolongée de la vie, non? Tu trouves pas qu'il y a comme un petit rapprochement à faire avec les garanties prolongées? Ben oui, tout à fait. C'est ça. Mais je trouve ça particulier un petit peu comme les données en avoir là parce que c'est vraiment contradictoire. Oui. Ah, c'est positif, mais est-ce que vous aimeriez ça syndiqué? Bon, je sais pas là. Coûte combien? Ouais, ouais, c'est ça, ça exactement. Ouais. Tu sais, au lieu de demander, ben ça fait quoi? Ouais, mes avantages pour moi, mettons, c'est quoi, tu sais? Ouais. C'est ça. Pour moi. Parce que les gens, c'est très, très moi. C'est ça. Non, mais tu sais, dans mon cas, j'ai toujours dit que je suis capable de me défendre seul et il existe les normes du travail. Aussi. Vous n'avez pas besoin de m'enlever 30$ par paye, par deux semaines, exemple. Pour être capable de me défendre une fois en 15 ans de carrière. Mm-hmm. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais il y a certains domaines dans lesquels le syndicat, c'est plus difficile de l'enlever. On peut pas l'enlever. Ben, c'est ça. Un coup qui est rentré, on peut pas l'enlever. Tu peux penser comme ça avec les normes, tout ça, mais dans certains domaines, c'est comme juste difficile de passer. Ben, j'ai les lois du travail. Tu sais, les normes du travail. Tu es un médecin, dire, ouais, ben, j'ai les normes du travail. J'ai comme l'impression que ça serait plus difficile, mettons, que de dire, ben, je suis syndiqué, tu sais. C'est sûr. Ensuite, l'entrepreneuriat. Ben, étonnamment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être entrepreneurs. Donc, 53% les 18-34 ans, 49% pour 35-54 ans et les baby-boomers, 29%. C'est sûr qu'eux autres, il y avait moins cette fibre-là dans le temps et c'était beaucoup aussi. Tu avais une personne et ça prenait un nombre max d'ouvriers. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est juste normal. L'environnement. Est-ce que la voiture d'avenir, est-ce que la voiture électrique est une voie d'avenir pour les Québécois? Ben, tout le monde dans les 60%. Ah, ce qui fait du sens. Oui. Je crois que d'ici 25 ans, le Québec sera sans pétrole. Mm. Très, très faible. On parle d'entre 17 et 25. Oui. Donc, quand on voit des gens qui viennent publiquement dire que ça prend une société sans pétrole, qu'il faut éliminer l'automobile dès demain matin, tout ça, ben, sachez que vous écœurez tout le monde en disant ça. Les gens ne sont pas rendus là. Ben, tu peux l'interpréter comme ça. Moi, en tout cas, ce que j'en comprends, puis tu me diras si c'est pas ça, mais c'est vas-y. Que les gens pensent pas que c'est réaliste d'ici 25 ans. Moi, je le vois de même, parce que regarde, les gens sont favorables pour la voiture électrique. Ils le veulent, mais ils savent que c'est pas nécessairement c'est possible. C'est ça. L'autre point, le Québec doit exploiter ses ressources pétrolières. Ben, ça varie entre 48 et 71 %. Okay. C'est les jeunes qui veulent pas à 48 %. Okay. Mais on voit qu'il y a encore un désir de développer des ressources. Ouais. La protection de l'environnement a toujours passé avant l'exploitation des ressources naturelles. Là, tout le monde est d'accord. Et c'est juste le gros bon sens. Mm-hmm. Ouais. On s'entend. Ça, c'est juste au Québec, c'était. C'est au Québec. Cette étude-là? Okay. Oui. Ensuite, le rôle de l'État. Ça, je le trouve spécial. Est-ce que le Québec s'en va dans la bonne direction? Eh bien, disons que les gens sont très favorables que ça s'en va dans la mauvaise direction. On parle d'entre 69 et 80... entre 69 et 80 %. Et c'est les jeunes, surtout, qui disent à 80 % que ça s'en va dans la mauvaise direction. Mmh. Les inégalités. Les gens sont surtout préoccupés par les inégalités entre les Québécois au niveau de la richesse. Donc, on a un intérêt très local. Mm-hmm. Quand on demande aux gens, est-ce que la pauvreté dans le monde, ben oui, ça les interpelle, mais pas plus que ça. C'est encore là, j'aime moi. Mais encore là, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui se préoccupent plus de leurs voisins immédiats de la pauvreté ailleurs dans le monde. Ouais. Donc quand même, tu sais, je trouve pas ça négatif. J'aime mieux ça que quelqu'un qui dit, non, je m'en préoccupe pas. Si mon voisin, il a son déjeuner chaque matin, en tout cas... Retiens-toi pas là, quand t'as non, des opinions. Là-dessus, je suis là pour ça. Hein? Là-dessus, j'ai un petit peu de difficulté, par exemple. Ouais. Mais c'est correct, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, les résultats non, de ce sondage-là. Les réformes effectuées par le gouvernement vont trop vite et il faut les ralentir. C'est ce que les gens semblent dire. Mais encore là, il y a d'autres chiffres à peu près un petit peu plus faible, mais pas tant que ça, qui dit « vont trop lentement, il faut les accélérer ». Mais quel c'est style partagé. De réforme, mettons, exemple, la réforme éducative? Santé, éducation, gestion et gestion territoriale, puis il y en a d'autres comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, j'ai pas l'opinion là-dessus. Côté éducatif, je suis tout à fait d'accord. Éducation, ça prend une méchante réforme et vite. Mais il y en a eu, tu sais. Moi, je suis comme la dernière génération qui a eu... avant la fameuse réforme. Ouais, mais la réforme a été ratée. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est vers le bas, c'est pas les réformes qu'on veut. Okay. C'est pourri cette réforme là. La place du gouvernement, eh ben tout dans les 30%, pas assez présent. Ah. Je t'ai trouvé ça spécial. C'est partagé, mais ça tend vers le pas assez présent. Mais ça revient à ce qu'on disait, les gens sont très très exigeants. Oui, mais pourtant j'en connais beaucoup qui chialent que le gouvernement est trop présent. Ouais. Puis après ça, on vient dire, non, ils sont pas assez présents. Un autre point aussi qui est contradictoire, je préfère payer plus de taxes et d'impôts pour avoir un meilleur service. Les gens sont favorables. Excusez. Les gens sont en désaccord. Ça va aller mieux si je lis la bonne ligne. Donc, on veut pas payer plus de taxes et avoir plus de services. Je préfère payer moins de taxes et recevoir moins de services. Okay. Désaccord encore. Hein? Branchez-vous. Ouais. Je suis d'accord avec toi, là. Branchez-vous. Ils veulent payer moins en avoir plus, je pense. Ils veulent l'argent du banc. Non. Si on vous laisse plus d'argent dans vos poches, acceptez qu'il y a des services qui vont disparaître. C'est ça, exact. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est que quand on ajoute des impôts, ça veut pas nécessairement dire qu' ils vont aller aux places qu'on veut qu'ils aillent. Mais ça, c'est pas de contrôle là-dessus. Exactement, c'est un autre problème. Ouais. De là, le fait que c'est mon numéro 2 pour gestion de l'argent du gouvernement. Parce que souvent, ça va pas à la bonne place pour qu'est-ce qu'on paye. C'est pas chaque personne va décider où va ton argent. Ton 20 piastres. Ben, c'est la prochaine question. Est-ce que vous aimeriez mieux d'abord le concept utilisateur-payeur? Ah oui. Vous utilisez un service, vous injectez de l'argent dans ce service-là. Les gens sont d'accord à environ 60%. Ah, c'est bien quand même, OK. Comme exemple à l'hôpital. Oui, mettons. C'est ça. Sauf que là, on va dire que ça désavantage ceux qui sont nés avec des problèmes de santé qui l'ont pas décidé. Qui n'ont pas de contrôle là-dessus. Ouais. C'est ça. Donc, moi, je pense que ça prendrait un hybride. Oui, ben oui. Oui, oui, oui, tout à fait. Ça se fait. Parce que les gens qui abusent devraient effectivement payer plus cher. Les gens qui ont des gestes qui nuisent à leur santé devraient payer plus cher. Donc, exemple, t'es un fumeur chronique, ça devrait te coûter un peu plus cher que moi pour avoir accès au réseau de la santé. Mais bon, on n'est pas rendu là. Religion est quand même raisonnable. Donc, je vous cacherai rien en disant que les gens disent qu'il faut laisser pratiquer la religion, que l'État devrait être neutre, qu'il faut encadrer les économies raisonnables et qu'il faut combattre l'extrémisme religieux. Ça, c'est tout le gros bon sens. Ouais. Et c'est ce qu'on entend dans la vie de tous les jours. Donc, ça, là-dessus, je vous apprends rien pour cette partie-là. Et je vous dirais que les gens sont prêts à être accommodants. Oui. En général. En général. On est pas mal ouverts. Le dernier point, mais non le moindre, l'appui à la souveraineté. Ah ben là, là. Oh là là. Fait que ça finisse avec ça. Ouais, je savais ça. Qu'il allait nous poigner à quelque part. Ben là, ça fait partie des enjeux des Québécois. Ben oui. Donc, les jeunes 18-34 sont pour à 39% pour ce sondage-là. On parlait même de 42% il y a pas longtemps. Et ensuite, c'est les baby boomers à 39%. 33% pour les 35-54 ans. Donc, on peut dire qu'il y a un certain appui encore de présent. Oui. Ça, personne va dire le contraire. Par contre, qu'est-ce que je remarque, c'est que ça part très fort pour 18-24 ans et ça diminue l'intérêt jusqu'aux 45-54 ans et ça remonte par la suite. Ce que je trouve spécial, c'est qu'on nous dit tout le temps que la jeunesse... La jeunesse, en fait, nous parle du fait que c'est important, la souveraineté. Mm-hmm. OK? Et c'est à chaque fois qu'ils font un sondage du genre, c'est toujours les 18-24 ans qui sont très forts là-dessus. Par contre, si je prends le sondage de 2007-2008, exemple, dans ce coin-là, c'était encore les jeunes qui étaient très forts. Si on refait le sondage aujourd'hui, les jeunes qui ont répondu fortement à ce moment-là sont rendus dans la tranche 25-34 ans. Ouais. Mm-hmm. Et là, ça diminue. Mais c'est les mêmes qui ont répondu. Parce qu'ils ont compris une coupe d'affaires. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel dans le temps? De croire un mouvement comme ça? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce que ça diminue tout le temps quand on prend même le 35-44 ans qui est la partie la plus faible. Mais c'était les gens qui répondaient très fortement v'là plusieurs années quand ils étaient dans la tranche 18-24 ans. C'est-tu leur équivalent politique d'une fugue ou de « je veux plus être avec mes parents » Ça, tu réalises que tu vas revenir avec eux. Donc, c'est ça. Donc, il y a une partie des gens pour qui c'est un enjeu qui est important et qui va le rester. Alors qu'il y a une partie des gens que je remarque que c'est ponctuel. C'est à un moment dans leur vie, c'est important. Ouais. Et ensuite... Ils sont rebelles. C'est ça. Et ensuite, ça change. Ouais. La réalité a l'air aussi de changer quand que tu sors du milieu étudiant. Ah, OK. C'est ça. Mm-hmm. Donc, on a les baby boomers où c'est fort parce qu'eux ont vécu les deux référendums et c'est un projet qui leur tient à cœur. Ouais. Ça, c'est normal. Et t'as les jeunes aussi quand ils sont dans un contexte plus étudiant qui ont l'air de s'attacher à ce mouvement-là. Ensuite, on a un creux pour la partie où les gens travaillent, où ils ont une famille, où là, ils payent des comptes. Là, ça change un petit peu la mentalité, on dirait. C'est ce que je remarque du graphique qui m'est donné. C'est parce que tu réalises ce qui va se passer. Peut-être. Ou tu réalises... Ouais. C'est ça, ou sinon, c'est pas que c'est pas important pour toi, mais ce n'est pas autant que d'autres sujets, ou tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Ça peut être comme moi, je me suis fait une liste tantôt. Ouais. Ça finit par plus être dans le top 5. C'est ça, je connais des gens qui en parlent jamais, mais quand que ça sort, oh là, ils s'expriment là-dessus. C'est ça. Mais sinon, tu les entends jamais. Mm. Donc, c'est ça. Puis ça peut être des gens qui peuvent être pour comme contre. Ouais. Maintenant, l'appui depuis 1995, parce que c'était presque à 50-50 à 95, et les jeunes étaient à 60, au-dessus de 60%. Donc, juste pour vous donner une idée comment que ça a changé. Donc, on part de presque au-dessus de 60% et ça diminue jusqu'à 30... C'était quoi j'avais dit? 39%? Mm-hmm. En plein ça. Donc, le mouvement est en déclin pour les jeunes malgré tout. C'est ce que j'en conclus. Et même tendance générale, on est rendu que la ligne du contre augmente tout le temps et la ligne du pour diminue tout le temps depuis 2006. Okay. En 2005, il y a eu une assez bonne montée. Je sais pas pour quelle raison. Il faudrait que je retourne voir qu'est-ce qui s'est passé en 2005. Mais en tout cas, on a dépassé le 50% à ce moment-là pour une raison X. Mmh. Donc, j'avais-tu un dernier graphique? Ah oui, l'exercice du droit de vote. Est-ce que ça devrait être obligatoire? Il y a au-dessus de 50% des gens qui disent que ça devrait être obligatoire comme exercice. Puis après ça, le reste des gens vont dire que... que les gens seront pas renseignés avant de voter. C'est ça le problème. Ça, ouais. Le taux de participation est en chute libre depuis 1995, avec un creux en 2008. Ça a remonté depuis, puis on dirait que ça veut redescendre encore un peu. C'était pourcentage un peu de ces années-là, de participation au vote? C'était, en 95, c'était au-dessus de 90%. 2008, on a atteint un creux à près de 57%. Puis là, en 2014, on était à 71% à peu près. Ah ouais, mais le 90 me surprend énormément. Moi aussi. Ouais. Je sais pas, ben tu sais, c'est dans le cadre du référendum. C'est ça, donc il y avait ouais. beaucoup d'enjeux et les gens se renseignaient plus. C'est ça. Mais j'aimerais ça que ce soit plus haut. Mm-hmm. Honnêtement, ben oui. là, j'aime ça quand les gens se renseignent un minimum. Exact, votez pas pour juste pour dire que vous avez voté. C'est pas ouais, bien. C'est ça, exactement. Mm. Donc, c'est ça, vu que mon chiffre commence dans 3 minutes, ben, oh faut boy. Que je vous quitte là-dessus. Hey, je te dis qu'on est serré dans le temps, mais on se retrouve tous les lundis. Oui, à date, ça va être ça. Puis je vais avoir d'autres petits sujets comme ça qu'on va pouvoir discuter. Génial. Samuel Girard, et on te retrouve ailleurs dans la grille horaire un jour éventuellement. On s'en reparlera. Ben, déjà mercredi pour avec dans ton émission. Commençons par le mercredi entre 15h et 17h pour le Mathieu Plancho. C'est exactement. La chronique jeux vidéo rétro de Gamer à un autre. Merci Samuel Girard. Fait plaisir. Bonne fin d'émission. Bye. Merci beaucoup. Oui, ben nous, l'émission continue. On va se quitter avec une pièce, en fait, que tu nous as parlé tantôt. Je crois que c'était Comfortably Numb, la pièce. Est-ce que ça se peut que ce soit celle-là? C'est fortement ça avec ouais. David Bowie. Excellent. Exactement. David Bowie et David Gilmour, Comfortably Numb. Ah, ça rajoute. Live! Thank you. Gilmour et David Bowie avec Comfortably Numb. Ah, c'est pas joli. C'était dans la chronique de Samuel Girard. Mon grand pause et mon retour, c'est un fait. Merci. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce lundi 11 janvier 2016, et Talia Baudin. Avec Mathieu Plante. Mm-hmm, il nous reste une dernière demi-heure, un petit peu moins, en fait une vingtaine de minutes ensemble. À peu près. C'est juste assez de temps pour apprendre les choses en ce lundi matin. Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. On n'a pas fait de C'est un fait depuis décembre. Depuis un bon bout, hein? Un bon bout de temps, donc allons-y avec une petite rafale de fait. Pour le film Psycho, mm-hmm. ou encore Psychose, Alfred Hitchcock a insisté aux gérants de cinéma d'avoir une politique « no late admission ». Pas le droit d'entrer dans une salle dont le film est déjà commencé pour que le public ne puisse pas voir une partie du film. Dans le fond, il devait voir le film au complet ou pas le voir pantoute. Tu comprends? Pas pour comprendre ça. L'histoire, oui. Ouais. J'aime pas mal ça, cette histoire-là. Ouais, moi aussi. Ensuite, un bijoutier célèbre, Harry Winston, qui a donné le Hope Diamond 45 carats, une valeur de 200 à 250 millions de dollars américains, au Smithsonian, un musée. Quand il a fait ça, Harry Winston, il l'a simplement envoyé par le service postal américain dans une boîte enveloppée de papier brun. Ben oui. Quand tu le dis pas, quand tu soulignes pas le fait. C'est pas écrit sa boîte, là, vaut 250 millions. En tant que tu passes pas par les douanes, ça devrait être correct. Ouais, c'est ça. Ensuite, en 1986, un pilote soviétique a fait une gageure avec son copilote disant qu'il allait être capable de faire atterrir l'avion à l'aveugle, sans regarder. OK. Ouais, donc il a bloqué les fenêtres du cockpit avec des rideaux. OK. Il a fermé les ben, tu sais, il a bloqué la vue vers l'extérieur. Et ça a fait crasher complètement l'avion. Ça a tué 70 personnes sur 87 des passagers. Ils ont mal atterri sur la piste d'atterrissage. Hé là, en 86, ça fait pas 1000 ans là, de ça, ils sont bien niaiseux. pilote soviétique. Une gageure à l'aveugle. Eh boy. Tu connais le Microsoft Solitaire, le jeu célèbre sur ordinateur, qui a été développé par un stagiaire estival nommé Wes Cherry. Ah oh, ouais? Ouais, il a reçu aucun royalties, donc aucun... Credit. Ouais, c'est ça, aucun... Ouais, c'est ça, de l'argent finalement pour son travail, malgré le fait que c'est une des applications Windows les plus populaires de tous les temps. Hey, et de-tu pas s'en mordre les doigts aujourd'hui? Tu sais, Solitaire, je comprends que c'est pas un nouveau jeu en tant que tel, c'est une adaptation d'un jeu de cartes, là, mais... Ouais, mais quand même... Il a fait du beau travail. Parce que la version qu'on connaît du passé a pas changé tant que ça. C'est vrai. Depuis, il est rendu plus beau, là, mais c'est pas mal ça. En 2012, l'estomac d'une jeune femme a dû être enlevé complètement après qu'elle ait bu un shooter avec du nitrogène liquide à l'intérieur. Ah! Mais elle fait quoi, là, maintenant? Elle mange plus? C'est l'article de TheGuardian.com doit avoir plus de renseignements là-dessus. On va aller voir. C'est le Oscars Wine Bar and Bistro à Lancaster qui va devoir payer 100 000 livres sterling après que Gabby Scanlon a dû donc se faire enlever l'estomac après avoir consommé un de ses cocktails. Gabby Scanlon a maintenant 20 ans. C'était un shooter de Nitro Jägermeister pour célébrer son 18e anniversaire. Ça lui a coûté 4 livres sterling. Elle était en douleur agonisante. Elle a dû enlever Caroline. Elle a dû lousser ses vêtements un petit peu parce qu'il y avait de la fumée qui sortait de sa bouche et de son nez. Tu sais, c'est comme... Wow! Drôle, mais c'est non. drôle! Elle a eu une explosion dans son estomac 4 secondes après que le cocktail a été versé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme renseignement? C'est vraiment un long article quand même. Ouais, non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop. C'est la même chose, le nitrogène liquide, c'est la même chose qu'on utilise pour enlever les verrues, ça veut dire ça? Ouh, apparemment, il fallait qu'elle attende que l'espèce de mousse okay. s'éteigne dans le verre. Mais elle a demandé au bartender. Ouais. Puis il a dit, ouais, c'est beau, tu peux le boire. Okay. Puis elle l'a pris. Puis c'est comme ça que là, la fumée a commencé par sortir par la bouche puis par le nez. Puis elle a su que ça, c'était pas correct. Ouais. Puis après ça, elle dit, mon estomac a comme commencé à prendre de l'expansion. Elle dit, puis le manager, après ça, il m'a dit qu'il fallait que j'attende que la fumée s'éteigne. Wow. Bref, le Oscars Wine Bar, c'était une règle arbitraire, l'affaire de 10 secondes. Là, il avait décidé ça comme par hasard, alors que c'était pas vraiment la vraie règle apparemment à faire. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Wow. En tout cas. Bref, la compagnie et la famille qui est propriétaire du bar se disent très, très désolé. J'imagine, hein? 100 000 livres sterling à payer. Colin McGregor, tu connais, c'est le frère de Ewan McGregor, mm-hmm. de Star Wars. C'est un pilote britannique pour la RAF. Et il utilise le call sign, donc les lettres d'appellation Obi-2, en hommage à Obi-Wan, qui est le personnage joué par Ewan McGregor dans Star Wars. C'est très drôle. Ouais. Lorsque les gros kangourous se font poursuivre, ils vont souvent mener l'animal qui les suit vers l'eau. Et une fois qu'ils sont dans l'eau, ils vont submerger la tête de l'animal qui les suit dans l'eau. Le kangourou va essayer de faire noyer son attaquant. Mon Dieu, finalement, un kangourou, c'est agressif. C'est violent, hein? Vraiment. Warner Brothers donne tout l'argent qu'ils font sur leur personnage du Diable de Tasmanie pour aider à combattre une tumeur faciale qui est en train de gâcher l'espèce du Diable de Tasmanie. Donc, ils donnent l'argent pour ça. Tout l'argent qu'ils font avec ça. Mais mon Dieu. Okay. On l'a pas vu depuis quelques années, il me semble, le Diable de Tasmanie. C'est vrai, hein? Peut-être en vacances. C'est ça. C'est de l'argent qu'ils donnent au gouvernement de la Tasmanie. C'est les jouets. Dans le fond, c'est l'argent qui est ramassé par les jouets ben oui. de Taz. La compagnie donne l'argent de toutes les ventes, aussi des DVD, pas de toutes les ventes, pardon. De l'argent de chaque vente des DVD des Looney Tunes au Tasmanian Devil Appeal. Wow, quand même. Comme bien. Il y a une cloche qui fonctionne par pile à l'université de Oxford qui sonne de façon continue depuis 175 ans et plus. Hein? Personne ne sait de quoi est faite cette batterie-là et personne ne veut défaire l'appareil en morceaux pour s'assurer de, ben, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça s'appelle l'Oxford Electric Bell ou encore Clarendon Dry Pile, qui est une cloche électrique expérimentale installée dans les années 1840 qui fonctionne de façon presque continue depuis. C'était un des premiers morceaux qui a été acheté pour une collection de Robert Walker, un physicien et homme de clergé. La cloche a produit approximativement 10 milliards de sonneries depuis 1840 et ça a le record Guinness comme la batterie, la pile la plus durable au monde. Et avec j'avoue. Tintinabulation sans cesse. Tintinabulation, savais-tu que c'était le fait de sonner sur une cloche? Non, je ne savais pas. Comme le personnage en Passe-Partout, le Tintinabule. Ah, oh, ouais. Il y a un magicien du nom de Jasper Maskelyne. Maskelyne ou Maskelyne qui utilisait de la magie pour aider contre les nazis à la Deuxième Guerre mondiale. Il cachait des outils et des cartes dans des objets de tous les jours et essayait de tromper les nazis en créant des illusions. Il a dû se faire arracher la tête. Hey boy. Les villageois d'un village indien Marotikal ont commencé à jouer aux échecs. C'était une alternative lorsque l'alcool a été banni. Ah. Donc, on a banni l'alcool et on a commencé à jouer aux échecs. Le village est maintenant appelé Chess Village parce que presque 100% de la population sait comment jouer aux échecs. Ah, c'est hot. Ouais. Il y a un phénomène optique qui s'appelle Green Flash qui va des fois apparaître. Dans le fond, ça va être un petit spot vert au-dessus du soleil immédiatement après le coucher du soleil ou juste avant le lever du soleil. C'est une espèce de petite demi-sphère verte. Ouais, c'est pas gros. C'est tout mignon, tout au-dessus du soleil. Donc, le Green Flash, ça arrive surtout... Pardon, je vais recommencer ça. Surtout au coucher de soleil, mais aussi, ça peut arriver au lever de soleil. C'est très, très bref. Et ça change de couleur assez rapidement. Ça va durer une seconde ou deux. C'est pour ça qu'on appelle ça un flash. C'est quand le soleil change du rouge au orange, par exemple, au coucher de soleil. C'est visible parce qu'une réfraction va faire comme plier la lumière du soleil. L'atmosphère va agir comme un prisme faible qui va séparer la lumière en plusieurs couleurs. Selon Nigella Elgarth, directrice du Birch Aquarium au Scripps Institution of Oceanography à San Diego. Elle a eu de la chance, elle a réussi à capturer une photo qu'on peut voir sur assemblagerequis.com. C'est assez fou, là. Elle a réussi à en prendre. Là. Plusieurs, hein? Ouais. T'as vu? Vraiment cute. Ensuite, une compagnie de jeux vidéo nommée Konami, vous connaissez sûrement, a un sens de l'humour avec les pirates. Si la cartouche de Teenage Mutant Ninja Turtles 3 ressent qu'elle n'est pas une copie authentique du jeu, on va réduire, dans le fond, la cassette va réduire le dommage que le joueur envoie à ses ennemis, va doubler le dommage que tu vas prendre, et ça va rendre le personnage de Shredder immortel. C'est terrible. Mignon. Savais-tu que ton nez est toujours visible pour toi? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ton nez, tu le vois toujours. C'est que ta tête va ignorer ça par un processus qui s'appelle Unconscious Selective Attention, l'attention sélective inconsciente. Ouais. Les développeurs de réalité virtuelle ont compris ça et ajoutent un nez simulé en réalité virtuelle pour réduire la nausée. Parce que ton cerveau s'attend à ce que ton nez soit là, même si consciemment tu ne le remarques pas. Donc quand tu joues à un jeu vidéo que tu vois pas ton nez et que ton cerveau ne l'enlève pas, tu as de la nausée. Donc on rajoute un faux nez dans la réalité virtuelle. Ah, c'est drôle ça. Fascinant, quand même. Fascinant. Ouais. On revient au jeu vidéo. Le premier œuf de Pâques, tu sais, œuf de Pâques, c'est quelque chose qui est caché que tu vas trouver si t'es vraiment un fan. Donc, c'était une salle secrète dans Atari Adventure en 1979. C'était un générique, dans le fond, ça créditait le développeur du jeu Warren Robinet. Oui, monsieur Warren Robinet. Atari ne permettait pas au développeur de se créditer à ce moment-là. Donc, Robinet a ajouté cette fonctionnalité-là, l'a dit à personne et a démissionné avant qu'on puisse l'enlever. Non! Petit fin finot, toi! Hey, hein? Google, Dropbox, Facebook et Twitter ont tous des groupes a cappella qui performent ensemble lors d'un concert annuel. OK, c'est vraiment drôle. Je te jure. Je pensais qu'il allait avoir un petit extrait audio. Je crois que je vais l'avoir dans l'article si on prend le temps de s'y rendre. C'est ça, c'est les plus grandes compagnies technologiques du Bay Area, donc à San Francisco, qui mettent leurs différences de côté, oui, à San Francisco. Les représentants de Google, Facebook, Dropbox et Twitter se sont rencontrés dans un bureau sur Spear Street, voilà. Et ils ont fait cette chanson-là que je pense que j'ai même pas besoin de la présenter. Ça s'appelle Te Capella 2014. Pourquoi pas? Ça commence là. Ils chantent pas tous super bien. Pas tous, hein. Parmi les gens qui chantaient, il y a Songbirds, qui est le groupe de Twitter qui fait de l'harmonie en 140 caractères ou moins. Hein? Oui. T'as Google Appella, le groupe de Google. Il y avait Syncopation, qui représente Dropbox. Et The Vocal Network, qui faisait de l'harmonie de la part de Facebook. C'était le Tech Appella Holiday Concert. Vous pouvez aller écouter la chanson au complet. Là. On n'a vraiment pas besoin de l'écouter au complet. C'est sur assemblagerequis.com. Hey! Moins mon genre de musique, ça. Moins mon genre. Pas tant que ça. C'est aussi bon que notre intro dans ma tête. Hey boy! C'est dit. Après avoir mangé un gros repas, un lion mâle peut dormir jusqu'à 24 heures de suite. Ah! Je pense que les humains aussi pourraient, mais malheureusement, on a des responsabilités. On se retient. Régulièrement, donc les lions, habituellement, vont dormir entre 16 et 20 heures par jour. C'est la lionesse, la femelle, qui va s'occuper des petits, qui va faire la plupart de la chasse. Le lion, lui, peut juste dormir. C'est tellement rétro comme façon de penser, hein. Le beurre d'arachide moderne a été inventé comme source de protéines pour les gens qui n'ont pas de dents. Non, t'es sérieux? Ça t'a pris par surprise, hein? Vraiment? Sur la page Wikipédia du beurre de peanut qu'on apprend ça. Je crois qu'on va y aller avec... Non, ceux-là, je les ai déjà fait. Je me rappelle d'avoir déjà fait ceux-là. Je pense que c'est tout. Oui. Il me reste plus de fait. Non. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est un fait. Les liens sur assemblagerequis.com. Il nous reste encore à la conclusion de l'émission à faire, mais avant ça, voici Paper Kites par Electric Indigo. Paper Kites avec Electric Indigo à Assemblage Requis. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Que c'est donc triste. Mm-hmm. Oh. Toute bonne chose a une fin, comme ils disent. C'est ça qu'ils disent, hein? Mais! On va être de retour demain. Ben oui, évidemment. Entre 6h30 et 9h30, soyez à l'écoute. On remercie Samuel Girard pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui avec sa chronique politique et actualité. Merci à toi, Talia Baudin. Merci à toi, Mathieu Blanc. Ça me fait plaisir. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, ce sera la rediffusion de Rock Classique. À 19h, le voyage insolite. Et à 20h, Rock de Neurones. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion. On se quitte avec une pièce de David Bowie. Oui, oui. Oui, oui. Suggestion de nos auditrices fidèles, Michelle. Oh. On écoutera Moonage Daydream. On se quitte là-dessus. On se retrouve demain, 6h30. Bonne journée. Bye. Thank you. Space Invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you.